La régie, vous êtes bon? Jean-Yves, t'as le doigt sur le bouton? Non, reviens, reviens, la première, qu'est-ce que tu fais? Ne gâche pas, mais c'est nos surprises. Bon, eh bien, bonsoir, les amis. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Marie. Alors là, Olivier, je vous reconnais à peine. Vous semblez être le fruit des amours de Jay-Z et de Luc Besson. Je dois dire que je suis renversée de la main. Marion, je ne peux dire qu'une seule chose. Vous êtes sublime. Ce mélange de délicate sophistication, de douce vulgarité et de droite décomplexée vous va ravir. Merci Olivier, vous êtes un véritable poète. Ce n'est pas pour rien que le président, qui vous désormais une passion débordante pour la bande dessinée, vous a nommé ministre du 9e art. Oh, c'est pas grand-chose, hein. Si, si. Je distribue quelques subventions, j'inaugure quelques galeries, rien de bien méchant. Faut bien que quelqu'un le fasse, enfin bref. Bon, chers amis, comme je le disais, bonsoir, et bienvenue dans cette salle sublime de l'univers Areva Accor Dubai Palace. Bienvenue à cette exceptionnelle soirée de remise des trophées du 36e Festival de la bande dessinée de Saint-Malo. On se beau disant. Devenu si glamour. Regardez-moi ce public. Voyez ces toilettes. Du Gucci, du Gold, du Dior, du Chanel. Du Chanel. Du Versace. Même Chris porte une casquette Kanye West. Enfin, nous avons un public à la hauteur de ce qu'est devenu l'art séquentiel. Tout à fait, Marion. Et dire qu'il y a encore quelques mois, nous étions encore cette bande de traits de misère, sans un rond dont tout le monde se foutait ostensiblement. Je me rappelle que nous étions ici même, il y a un an, tu te rappelles Marie, à essayer de faire rire un public de plouc avec des plaisanteries douteuses. Et on se plaignait tout le temps de nos revenus, de nos contrats, de nos retraites et j'en passe. Oui, mais rien que d'y penser, j'en ai des frissons d'horreur. On dirait qu'on a dit une petite soirée des Molières. Exactement. Il y a un an à peine, Marion, la bande dessinée gisait sur cette scène, amorphe, apathique, les tripes à l'air et le pantalon sur les chevilles. C'est cela, Olivier. À l'époque, lorsqu'on parlait de l'avenir de notre métier, nos yeux se remplissaient de larmes, nos mentons tremblaient, nos yeux encore regardaient le sol, honteux et désespérés. Ah oui. Franchement, lorsque nous décernions le prix Jeune Talent à Lise Romond, je ne sais pas si tu te souviens, cette pauvre gamine innocente, tous ici, sans exception, nous avions envie de lui hurler « Fuis, pauvre folle, va te trouver un vrai métier !» Nous savions tous qu'elle n'aurait aucune chance de trouver de quoi survivre dans cette profession, même en fouillant les poubelles des éditeurs. Nous savions tous qu'elle finirait quelques semaines plus tard errant en haillons dans les rues d'Angoulême, comme tant d'auteurs en perdition. Oh oui, et en fait on se courait tous. Qu'est-ce qu'on était cons. Mais oui, c'est incroyable. Personne n'y croyait au début, mais on s'en est bien rendu compte. Tout ça partait en vrille. Nous avons vu des gens renoncer aux faux-semblants, et abandonner les miroirs aux alouettes. Ils ont déserté les salles de cinéma désormais. Ils ont rangé les consoles de jeux au placard et transformé leurs téléviseurs en sa table basse. Et aussi dingue que cela puisse paraître, nous les avons vus tous ensemble, décider de se reconnecter au réel et de se consacrer corps et âme à la seule voie qui mène au ciel, l'art séquentiel. Rappelle-toi Marion, ce qui nous a interpellés, c'est quand même quand nous sommes tombés par hasard sur le compte Instagram de Lise Romond. Si, Jean-Yves, tu peux montrer la prochaine image? Oui. Oh, j'adore son t-shirt, c'est ça. C'est Stop being poor. Ses messages ethniques, c'est si beau. Ah oui, ça. En tout cas, elle n'est ni pauvre, ni en haillons. Et les affaires ont l'air de bien tourner pour elle. Tout à fait. Oui, c'est tout bien. Et puis, petit à petit, nous avons tous pris cette bague en pleine gueule. Les uns après les autres, nous avons vu les ventes s'envoler. Nos comptes bancaires se remplirent jusqu'à la gueule. Les journalistes se jetaient sur nous et les fans nous arrachaient nos fringues. En même temps, ça nous pendait au nez, Olivier. Hein. À force de voir le cinéma et le jeu vidéo adapter de plus en plus nos œuvres, les gens ont fini par décider de retourner à la source. Ils ont compris que l'intelligence était dans la case. D'ailleurs, quel humain sur cette terre n'a jamais dit « Oh, mais ça ferait une belle bande dessinée, ça !» Ah ben. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est de voir que même les plus déglingués préfèrent maintenant se taper un épisode de, je sais pas, Sylvain et Sylvette, plutôt que de se taper un rail de coke. Oui, tout à fait, Olivier. Et on commence même à voir des traders quitter des banques et aller s'inscrire dans des écoles de dessin. Parce que c'est là que ça sent l'argent maintenant. Et j'ai vu dans Gradia que Finkielkraut aurait déclaré, deux points, ouvrez les guillemets, « Il est temps que cette mouvance nouvelle est un guide digne de ce nom. Je prends mes crayons et j'arrive. » Oui. Et t'es vraiment ? Jean-Yves, tu peux nous montrer la diapo suivante ? Voilà, c'est signé, on voit pas bien, mais c'est signé Finky en bas. Donc c'est bien lui qui a fait ça, Marion. Oui, alors c'est pas encore tout à fait au point. Ah ouais, pourquoi ? Enfin, on sent qu'il est toujours aussi énervé. Oui, et puis Lewis a décidé de lui signer un petit contrat chez Shampoing. Ah oui ? Avec une petite avance de 400 000. 400 000 quoi ? Euros ? Que dalle ? Oui, c'est rien du tout. C'est un débutant. Oui, c'est vrai. Sinon, une autre nouvelle intéressante, hein, on m'a demandé de vous en informer en tant que ministre. Nous savons que pour la prochaine présidentielle, nous recevons donc tous les programmes des candidats sous la forme d'un 48 pages carton des couleurs. Alors d'ailleurs, j'ai vu mon pote Emmanuel Macron tout à l'heure. Il est à la recherche d'un auteur pour s'occuper d'illustrer le sien, le programme. Donc il m'a dit en coulisses qu'il cherche de préférence un artiste reconnu, qui bosse vite, quitte à torcher un petit peu le boulot, et qui, comme lui, est du genre à bouffer à tous les râteliers. Mais, je cite, « Si quelqu'un se reconnaît, qu'il n'hésite pas à me demander, je lui filerai son 06 à la fin de la cérémonie. » Oui, Olivier, et n'oublions pas de rendre hommage à nos éditeurs. Ah ben oui. Car sans eux, hein, ce sont eux, les premiers, qui ont compris que le monde changeait et qu'il fallait accompagner le mouvement. Alors aujourd'hui, ils paient tout le monde en fixe. Ouais. Les contrats ont vu leur validité réduite à 5 ans reconductibles. Les avances sur droit ont augmenté de 700%. Oui. Ouais. C'est normal. Hein. Mmh. Le pourcentage des droits d'auteur sur les albums a passé la barre des 30%. Mmh. Le budget communication a explosé et on a même reconnu que les coloristes avaient une âme. Oui. Oui. Il paraît que ça avait réduit Brigitte Fidakli. Et d'ailleurs, bon, aujourd'hui, donc, l'argent coule à flot dans nos poches. Et franchement, on ne va pas se cacher, c'est plutôt le pied. Moi-même, j'en ai tellement, je ne sais plus quoi en foutre. Donc, s'il y en a qui veulent un peu de pognon. Battez-vous. Je sais qu'il y a des journalistes dans la salle et ils n'ont pas grand-chose. Donc, là-bas, il y a à gauche, il y a des jaloux. Hop là. J'en ai autant dans l'autre poche, je vous préviens. Donc, tout va bien. C'est les billets de 10 000, hein, on n'est pas. On ne pouvait pas me faire mieux. Désolé. Et puis, chaque jour, et c'est important de le dire, nous recevons des cartes postales, des copains auteurs évidemment, en provenance des quatre coins du monde. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'ils ont troqué leur tronche de navet malade contre une peau bronzée qui sent la vanille, n'est-ce pas Marie ? Oui, d'ailleurs, nous ne résistons pas à l'envie de vous en montrer quelques-unes. Hein, ils nous en voudront pas, de toute façon. Vous avez certainement aperçu certaines d'entre elles sur les réseaux sociaux ou dans les colonnes de Closer ces dernières semaines. Oui, Jean-Yves, si tu peux passer la prochaine diapo, s'il te plaît. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? C'est le compte à la richissime. Ça a l'air d'aller. Je sais pas où il est, il est sur un balcon, mais il s'est trouvé un joli petit biberon. Ça a l'air de se passer pas mal. Diapo suivante, Jean-Yves, merci. Virginie Augustin. Elle s'est acheté un nouveau jet. Oui. Bah, le premier, il était un peu petit, c'est vrai. Il pouvait rentrer qu'à 12 dedans. Donc là, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, j'ai pris une réservation pour la semaine prochaine. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, le site Bianco Gangstyle. Trois montres, c'est pas mal. Un œuf Faberger, c'est bien. La Kalash, je suis pas sûr que ça a très bon goût en ce moment. Merci. Donc, Guillaume, si tu nous entends. Pour ajuster d'autres trucs. Sinon, tout le reste, tu changes rien, c'est parfait. Il a l'air bien, bien vénère. Diapo suivant, s'il te plaît. Mathieu Burnia. Ça a l'air d'aller. Gold Burnia. Alors, lui, il s'adapte bien au pognon, mais on voit que la physique quantique, ça lui a un peu... monté la tête. Foutu un pet au casque, donc... Si quelqu'un le connaît, n'hésitez pas à avertir les services sociaux si vraiment ça... Parce que niveau fringues, c'est quand même pas tout à fait ça. Diapo suivante, s'il te plaît. Ah, Florence Sestac. Sestac Airlines. Bon, elle est restée sobre. Elle s'est juste acheté une compagnie aérienne, donc Sestac Air. Elle fait des promos pour les journalistes, il paraît, à la sortie, les tickets. Diapo suivante, s'il te plaît. Le roi des bulles. Ah, c'est Chabouté. Lui, bah, il adore le surf et puis il adore Moby Dick. Et ben, il a, je crois qu'il a acheté une île. C'est Cuba ou un truc comme ça. Oui, oui, ça mais il a l'air pas mal. C'est du champagne, hein, c'est pur. Hein, la baignoire, c'est que ça. C'est que de la vraie bulle. Diapo suivante, s'il te plaît. Ozzy Yaran, les mains pleines. Voilà. Ah. Alors, on le reconnaît pas bien parce qu'effectivement, les fringues, c'est pas terrible, mais c'est bien Étienne Davodo. Garanti. Hein, et alors, il a gardé, il a mis ce bonnet, je pense que c'est en souvenir de son époque où il faisait des petits Mickey. Niveau fringues, ben, c'est moderne, vintage. Alors, vous voyez pas bien les couleurs, mais bon, par contre, le jet, c'est orange et blanc. Ça, c'est un petit peu, bon, le look des années 70, ça va 5 minutes. Les chaussures, ouais. Les chaussures, bah, c'est cool, c'est campagne. C'est la mode. Oui, oui. Diapo suivante, s'il te plaît. Laisse-moi zoom zoom zang dans ton zaï zaï zaï. Fab Caro, il a pris 35 kilos, je crois, en 15 jours. Oui, il faut faire des pectoraux. Hein, ouais, ouais, ouais, c'est ouais. N'importe quoi. Je sais pas qui est cette demoiselle, mais là, elle s'est foutu de la petite douche du matin. Bon, il a un slip de bain, c'est pas terrible. Diapo suivante, Lise. Alors, Chris, on sent que le chouchène, les galettes, c'est bon, fini quoi. Le Chris. Voilà. Il s'est acheté un Boeing, je crois, carrément lui. De toute façon, il dort sur ses chiffres de vente maintenant. Il a 8 cartes de gold, on m'a dit maintenant. Ouais. La suivante. Alors, Tintin et Milor. Alors, on voyait dans les pages de Mastodonte qu'entre Mathilde Domecq et Obion, il y avait un petit truc. Bon, ben, c'est confirmé. Là, ils sont en Russie, ils chassent l'animal en voie d'exparition. Le panda rouge. C'est le panda rouge, en tout cas. Et ça picole. Enfin, ils ont l'air heureux, c'est bien. Suivante, s'il te plaît. Ta mère la thune. Bon, Jules Rocher, il n'a pas beaucoup changé. À part les bagnoles, il a gardé son look de macro. Il a rajouté quelques. Ouais, si j'aime bien les tongs blanches, ça, je trouve ça va bien avec les bagnoles. Non, c'est sympa, franchement. Ouais, il boit toujours de la bière, par contre, le champagne, il s'y fait pas. La suite. Ah, c'est quoi VIP, Square Zone. Ah, c'est Square Zoning, c'est ça. On sent que la guerre contre les 4x4, putain, assez vite. Voilà. Mais c'est bien, il est un peu pas lourd. Il reste simple. Ouais, il est resté simple. Suivante, s'il te plaît. Ah. Donc, on est sur la chaîne T'es beau, mon pognon. Et bah écoute, pour les soirées d'hiver, quand on a un peu froid, une robe de chambre en billet de banque, c'est pas mal. C'est pas mal. Il paraît qu'il s'en sert aussi comme PQ maintenant. Diapo suivante. Ah, alors. Terreur Afrique. Voilà. Alors lui, vous le retrouvez au 109 tout à l'heure. Il fait un petit spectacle de transformiste. Et franchement, c'est du meilleur goût. Hein. Moi, je vous conseille, c'est sublime. Il a gardé son élégance et sa classe naturelle. Diapo suivante. Alors, Van der Beek Melen. Donc, bon, il est resté. Bon, ça va, ça reste sobre. C'est pas grand-chose à changer. Cartier, Chanel et Félix Potin. C'est pas mal. C'est sympa. Je sais pas où il est, la Riviera ou je sais pas où. La suite. Fabulous Fab. Voilà, ah, oui. Delmaze, business, quoi. Ouais. On va pas dans les froufrous et le bing-bing, non, ça jamais. Seul, mais pas sans fric. Non, ça va. C'est bien. C'est bien. Et il paraît qu'on l'appelle le nouveau Steve Jobs. Non. Ouais, si. Je sais pas si c'est parce qu'il a un cancer ou c'est pas. Je lui demanderai. Il y a encore une diapo, je crois. La suite, j'en ai. Ah, voilà. Eh ben, et rappelez-vous, Fred Zanzi, bon, il a pas sa barbe encore, il a failli. Et quelques années, il se vautrait sur cette scène habillé en sirène. Je sais qu'il est pas trop content que je rappelle ses mauvais souvenirs. Il se vautre toujours. Il couche avec la veuve Clicquot maintenant, c'est pas grave. Bref, bon, on va peut-être arrêter de se pommader la rondelle, hein, parce que maintenant, il faut qu'on s'occupe quand même, hein, quand même, de dévoiler le palmarès de ce 36e festival. Vous ne voyez pas, Marion ? Oui, Olivier, j'ai l'enveloppe qui me déboule. C'est parfait. J'envoie encore un peu de pognon, parce que c'est pas mal. S'il y en a qui en ont pas eu au fond, vous vous démerdez, c'est pas mon problème. Alors, nous allons commencer tout de suite par décerner le prix Jeune Talent 2016. Alors, pas besoin d'expliquer à celui ou celle qui sera désigné ce qu'il attend. Je crois que l'exemple de Livremont que nous avons vu précédemment dans sa baignoire parle de lui-même. Alors, le prix Jeune Talent revient à Vanessa Robidoux. De l'autre côté là-bas, si le premier rang vous vient, se retourne un peu. Les escaliers vers la richesse. Alors, j'espère que tu as une grosse valise, parce que. Voilà, c'est déjà ça. Ensuite, parce que c'est quand même pas. C'est pas celui-là. Non, celui-là, c'est coup de cœur. Pour vous, c'est pareil, c'est des machins en bois, tout ça. Ouais, une gomme, ça te servira plus, peut-être, ça. Ça. De la chance, c'est moins comment. Par contre, bon, l'année dernière, il n'y avait que ces machins. Maintenant, on te dit qu'on a. Alors, un petit chèque de 2 millions d'euros. Voilà. 2 millions, mais ouais, mon con. Un jeune talent en plein d'avenir. Voilà, Saint-Malo, c'est Jules qui a signé le. Quelle générosité. Voilà, parce que maintenant, on a un festival un petit peu plus sérieux. C'est pas mal. J'aimerais que tu peux passer la diapo suivante. Elle veut peut-être dire quelque chose. Attends, deux secondes, on parle d'abord. Voilà, on peut te conseiller la lecture de cet ouvrage, hein, on fait un peu de placement de produit. Voilà. Riche, pourquoi pas toi ? T'apprendras tout, parce que c'est un tremblement de terre, toi tu découvres, tu sais pas ce que c'est, tu vas voir. Ça va être sympa. Voilà. Est-ce que tu veux dire un petit mot à ce public généreux ? Il faut être long, pas bref, des trucs, merci, papa, maman, tout ça, tu connais. Voilà, c'est bref, mais c'est parfait. Ensuite, le prix Révélation ADHGP, quai des bulles. J'ai écrit rallonge là. Ah, pardon, oui. Marion. Alors, depuis quelque temps, un petit groupe d'intellectuels connus sous le nom de Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, se réunit régulièrement à l'hôtel Catherine Loris. Il est où cet hôtel ? Oh, c'était le Château Bruyant auparavant. Ah oui, d'accord. Il l'a acheté avant-hier. Tout à fait. Alors, dans ces petites réunions, nous portons chacun un loup pour garder un soupçon de mystère et de frisson, le genre d'émotion qu'on ne ressent plus beaucoup quand on paye l'ISF. Oui, c'est vrai. Et on sirote des gyroboèmes de Tétinger. Mmh. Et une fois qu'on a balancé des potins sur toute la profession, nous attaquons les grands débats de fond. Ah, ça m'intéresse. Des débats de fond, de quel genre, s'il te plaît, Marie ? Par exemple, l'autre jour, nous nous demandions si l'onomatopée du rire était A-A ou R-A. Tu veux dire A-H ou H-A, c'est ça ? Oui, évidemment, car la mouvance A-A, n'étant plus composée d'une dizaine de réfractaires, la question a vite été réglée. Ah, ça me fait plaisir, évidemment. Enfin, le bon sens triomphe toujours. Est-ce que ça vous dirait de faire l'enveloppe maintenant ? Je sens qu'on soulève un petit peu tout le monde avec vos histoires. Oui, je déchire. C'est vrai, tu déchires, Marie. Franchement, j'ai déchiré la bonne. Oui, alors, le prix Révélation revient à Negib pour Stupor Mundi. Et puis toi aussi t'as 2 millions parce que le pognon c'est tout bon. Voilà pour la révélation de l'année. Je remercie Qatari Airlines, bien sûr. Vive les winners. Et merde aux assistés. Et continuez tous à winner. Bravo. Et on va tous gagner. Bravo. Alors on a fait quoi? Un taille crayon, 2 millions, c'est bon. Et voilà, on va passer au prix des lecteurs Ouest France Crédibule. Marion. Ah oui. C'est le prophète. Le trophée que nous allons offrir est un livre en fer. Oui. Offert par les chantiers navals de Brest, oui. Je crois. Il semblerait que ce soit un véritable morceau du Titanic. Oui. Ouais. Ouais, c'est énorme. C'est aussi un objet symbolique, ma chère Marion, parce que un livre en fer signifie aussi que faire un livre, il n'y a pas si longtemps, c'était l'enfer. Vous voyez, Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais, oui. L'important, c'est de s'en souvenir. Il faut s'en souvenir. On ouvre l'enveloppe. Vas-y, déchire. Alors, le gros livre qui pèse 7 kilos... 17 kilos. 17 kilos revient à l'été diabolique par Alexandre Cléris et Thierry Smolderen. C'est lourd pour de vrai, t'as vu? Non, ça s'ouvre pas, essaye pas, y a rien dedans de toute façon. Je blesse pas. Alors, t'as un petit chécos aussi, 2 millions pareil, c'est pas très varié. 2 millions, c'est mieux qu'un coup de pied au cul. Voilà, ton chouchou de West France, c'est pas mal. Souris au photographe, s'il te plaît. Vous allez pouvoir acheter la G5 du coup. Oui. Et la sac aussi. Tiens. Oui. Mais d'habitude c'est Thierry qui parle, donc il n'est pas là. Tu. Bah, partagez. Hein. Pas limité, donc c'est aussi pour lui. Eh ben, écoute, tu vas te démerder surtout parce que ce jet plus ça, je sais pas comment tu vas faire. Et dans le train, ça va être. Puis on va le découper à la scie. Ah non, tu le fais, non. Tu l'en fais d'abord et tu le découpes. Bon, non, tu le donnes, allez. Ben, merci à vous tous. Que le livre qu'il a été acheté à la FIAC, petite fortune aussi. Bref, maintenant, alors les copains, c'est au tour du lauréat du prix coup de cœur de monter sur scène. Marion, vous pouvez ouvrir l'enveloppe, s'il vous plaît. Marion. Non, non, c'est pas le bon endroit pour faire ça. D'accord, on va se calmer tout de suite. Marion. Oui. Le coup de cœur. Hein? Je comprends pas. Ligne 4. Le coup de cœur, ça veut dire quoi? Le coup de cœur, quoi, merde. Enfin, le coup de cœur, bien, disons que c'est comme un coup de projecteur sur un auteur qui a tapé dans l'œil du jury. Marion. Mais du coup, t'appelles, c'est tellement de violence, c'est dégueulasse. Oui, non, mais c'est symbolique. Marion, ouvre-moi cette enveloppe et foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Alors, le prix coup de cœur revient à La légèreté de Catherine Meurice. Ouais. Non, je casse pas la gueule, c'est pas le moment. Désolé, j'ai des lunettes contondantes, tiens. Un bon cœur, et puis un chécos aussi, parce qu'on est paradins. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sur celui-là? Tu montes déjà tes fesses, c'est pas d'accord. Alors, 2 millions parce qu'un seul, ça suffit pas, au coup de cœur du festival. Je te passe le micro. Ah, j'aurais bien aimé coup de cul, mais je me suis coup de cœur. Non, c'est très bien. Le trophée aurait été un peu délicat. Non, je suis très contente. Très contente, il y a le mot cœur, c'est joli. Et non, je suis très heureuse. Et je me disais que la fourrure, c'est bien parce qu'on ne voit pas les auréoles de sueur, en fait. C'est pas mal, ouais. Voilà, c'est bien. Voilà, si je pouvais repartir avec, si, ce serait cool. Non, merci beaucoup, je suis très touchée, sincèrement. Reprenez vos esprits, Marion, s'il vous plaît. Jean-Kévin Canson, oui. Ce fameux industriel poète, ne disait-il pas, tandis qu'il regardait ses esclaves abattre son champ de bois exotique pour faire ce fameux papier qui peluche, Jean-Kévin Canson ne disait-il pas, donc, art séquentiel, tu es la vie. Art séquentiel, à l'âme humaine, tu donnes des ailes. C'est vrai. Je ne sais pas trop de quoi il parlait, mais ça fait du bien d'entendre ça. Oui, parce que la bande dessinée, c'est la vie des gens qu'on enferme dans des cases et qui parlent dans des bulles. Mmh. Et mais pas trop des grosses bulles, parce que sinon c'est pénible et ils n'ont plus la place pour vivre. Et ça paraît un peu misérable, dit comme ça, mais la misère aussi c'est la vie. Et enfin, pour les autres, parce que nous ça va. Oui. Et sans la vie, donc sans la bande dessinée, c'est la mort. Et donc, une vie sans bande dessinée, c'est un peu comme être orphelin de la vie. Et puis, sans l'auteur de bande dessinée, et que ça, serait le papier? Ça va, Marion? Parce que je voudrais bien savoir où vous voulez en venir. Et ben, je ne sais pas. En fait, je dois refiler ce gros crayon en bois. Et je ne sais pas du tout comment l'introduire. Alors, Oui, c'est gênant. Allez, détendez-vous, Marion. Détendez-vous. Nous allons appeler le lauréat qui saura bien où le mettre. Alors, donc la crée de l'affiche et de la vie, c'est Michel Plessix. Merci, tu fais un bisou quand même pour les bonnes. Oh, Michel, tiens, alors toi aussi, t'as un chèque. Alors toi, c'est un chèque de 1€ symbolique, parce que trop de pognon tue le pognon. Hein, voilà, je pense qu'avec ça, tu seras calé pour la vie. Attends, je vais te passer le micro, tu pourras parler après, parce que là, personne t'entend. Non, mais personne t'entend, patiente, tout va bien, regarde. Oui, je sais que t'es dû dans un truc, mais voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. T'es bon en BD, tu peux pas être bon partout. D'accord, j'ai hésité à t'écrire un discours. Mais on m'a dit que t'étais nul en lecture aussi, donc tu vas dire un merci Joub et puis ça suffira, t'inquiète. Merci Joub. Merci à tous. Bravo Michel, bravo. Je proposerai ensuite d'aller voir le pot de l'amitié, comme disent les pauvres, mais ça ne se passera pas comme d'habitude, serrer les uns contre les autres dans l'entrée de l'hôtel. Des zodiacs vous attendent donc sur la plage pour vous amener... sur le yacht de Jean-Claude Fournier. Alors, ne vous inquiétez pas, lui aussi, il vient d'en changer. Le nouveau peut accueillir au moins 400 personnes, m'a-t-il dit. Et puis, nous terminerons enfin la soirée au Sous-Neuf, comme de tradition. La boîte a été entièrement refaite et propose à présent 5 pistes de danse sur 5 hectares. Et ce soir, c'est DJ Lupano qui régale aux platines. Ouais. Un grand merci aux intermittents du spectacle qui nous ont permis l'organisation de cette soirée, et nous leur souhaitons de nous rejoindre bientôt sur les rives de l'opulence et de la prospérité. Voilà, amusez-vous bien, et à l'année prochaine.